je suis du février, mais pourtant que ça suffisait. Tu sais que ces bactéries, toi, c'est l'homme qui le crée. Parano, je vais mourir, la psychose me fait souffrir. J'ai peur. Bonjour monsieur Y, j'habite à Sainte-Foy la Trouille. Je cache dans mon ventre un supplice, je ressens comme une boule. Un fléau qui fait en sorte que je n'ose plus sortir la nuit. Et dire que les immigrés sont pour quelque chose n'est plus un a priori. Mon sentiment de panique qui me semblait partagé par nombre de mes amis, des paysans, des gens aisés. Il faut rétablir l'ordre, et Nicolas est dans nos cœurs. Maintenant à cinq fois Le Pen fait fureur. Que se passe-t-il? Sentions le mode, je plus tranquille. Je dois regarder par terre. Tous ces voyous, ces gothiques, qu'un son de faire. Je vais plus aller, je prends la manche, je suis par terre. J'ai peur. J'ai peur. La société non aseptisée. Aimez-la ou quittez-la. La France aujourd'hui est métissée. Aimez-la ou quittez-la. La société non aseptisée. Aimez-la ou quittez-la. La France aujourd'hui est métissée. Aimez-la ou quittez-la. La société non aseptisée.